Il y a 7 jours dans la semaine, cette couleur différente de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je t'ai récupéré l'or qu'ils ont pillé. Hey, ouais, sans réfoi. Si j'enlève la plus qu'à tu me remets, c'est le duo de la dernière fois. Équipé, ça vaut comme jamais. Les gens filment kiffent, c'est ce qu'il leur faut. Criminel swag, qui leur flow. J'aille, tu le penses que les suceurs font. Je leur pisse au cul, je leur suis sur le front. Je suis hors game, dans le fond. Ils savent bien que je suis plus sale que. Rap et NSB, je suis sur plusieurs fronts. J'ai plusieurs joints, mais qu'une seule queue. Regarde, moi je suis tout de poil, main vêtue. Pas le même génie, pas le même flow, et pas le même vécu. Tu me prie d'un feat avec mon négro Tagataga. Si l'album flop, il me reste toujours la forme de Tagataga. When you go around, hey. slow down. When my go around. He's so colorful like a clown. That pussy so wet, I just floated. Them colorful bands, I'ma throw it. I can't fuck with you if you told it. I can't fuck with you if you wrote it. I'm thugging, get money in my post. My bitch clip her ass in slow motion. That come on, that bitch look like lotion. I had on some ice and she knows it. Jelly bean, money same color as a jelly bean. I pop them jelly beans, I fall like jelly beans. Fuck is you telling me, bitch, I got 7 wings. I pop a Molly Red Bull, now she smelling me. Fuck is you sweating me, I got on bomb and they tight with 11D. Lace up my Jordan. Shut the fuck up, little bitch, you just talking too much, it's irrelevant. My pockets are with Taco Bell. Yeah. I got no more bands on me, girl. Sit on my white SLG, baby, they so delight. Don't be lazy, look, bitch, you crazy. Watch this. My head go around. Hey. Slow down. That mind going round. It's so colorful like a clown. Bébé vivant heureux, bébé vivant caché. Suce-moi sur la banquette, mes vitres sont teintées. Oublie tous ces peureux, fois que et la lâcheté. Ils ont loupé cash, la vie les a achetés. Milliers d'euros. Bébé, dis-moi quel autre choix pour un négro. Milliers d'euros. Bébé, dis-moi quel autre choix pour un négro.